Exercice en interaction. SNCF Provence-Alpes-Côte d'Azur, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous téléphone à propos d'une publicité pour le train. Je voudrais des explications. Oui, bien sûr. De quelle publicité s'agit-il ? C'est le billet forfait mer. La publicité dit qu'il coûte 31 euros et que plusieurs personnes peuvent voyager avec un seul billet. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. On peut voyager seul ou à 2, 3, 4 ou 5 personnes pour le même prix pendant 2 jours de suite. Et ça fonctionne dans toute la France ? Ah non, c'est un billet spécial qui permet de voyager en train dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, mes amis et moi pouvons prendre tous les trains dans cette région pour 31 euros ? Oui, mais ça ne fonctionne pas toute l'année. Pouvez-vous me dire pendant quelle période c'est valable ? Pendant les mois d'été, uniquement. D'accord, j'ai compris. Mais on peut faire autant de kilomètres qu'on veut ? Absolument. C'est illimité pendant 2 jours. Et où peut-on acheter ce billet ? Dans n'importe quelle gare SNCF de la région PACA. Vous pouvez préciser quelques villes, s'il vous plaît ? Je suis étranger, je ne connais pas très bien la région. Oui, bien sûr. Alors il y a Marseille, la plus connue, mais également Toulon, qui est aussi au bord de la mer, ou encore Avignon, Manosque. Ah oui, je vois. Alors on peut voyager à plusieurs, pendant 2 jours, entre toutes ces villes ? Absolument. Je vous remercie beaucoup. De rien. Et bonnes vacances en Provence-Alpes-Côte d'Azur, si vous décidez de venir dans notre région. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.